Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Avant, nous étions à la fin des années 90, avant on croyait avoir une idée de l'avenir. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une faible idée de l'avenir. Le journaliste, cofondateur de France Observateur, l'homme politique, l'ambassadeur Gilles Martinet, était l'invité d'Emmanuel Laurentin pour À Voix Nue. Voici cette nuit les 4e et 5e volets de cette série, diffusés pour la première fois sur France Culture, respectivement les 12 et 13 février 1998. Gilles Martinet, nous vous avons quitté hier, vous, l'ancien communiste qui quitte le Parti communiste à l'orée de la Seconde Guerre mondiale, vous, le résistant, celui qui fonde après la guerre avec Claude Bourdet et Roger Stéphane l'Observateur, le journaliste, le militant anticolonial, le fondateur du PSU ensuite. Nous vous avons quitté alors que vous poussiez les portes du Parti socialiste qui venait de se créer au Congrès d'Épinay. Vous nous avez expliqué combien était discuté au sein du PSU ce type de position, et pourtant vous avez fait ce choix, c'est-à-dire de vous fondre dans la masse d'un grand parti qui avait pour objectif de prendre le pouvoir. Est-ce que cela a été facile? Est-ce que vous avez été facilement accepté immédiatement après Épinay? Bien, la facilité dans le Parti socialiste, c'est qu'il existe des tendances, et par conséquent, dans un parti de ce genre, on peut se situer sur sa gauche, sur sa droite, en son centre. Je suis entré en quelque sorte par la gauche du Parti socialiste venant du PSU. Mais c'est vrai qu'ensuite, ces notions de tendance changent de caractère. Les tendances deviennent des clans qui se disputent le pouvoir et même deviennent des écuries présidentielles, puisque il faut toujours qu'il y ait un leader. Donc la situation au sein du parti est moins claire. Néanmoins, pour moi, ce qui était important, c'était d'importer, d'instiller le maximum d'idées né au cours des années 60, et notamment à travers le PSU, dans le programme, dans les objectifs. Et c'est une réussite? Ça a été une réussite, justement? Ça a été sur le papier une réussite. J'étais en 1975 le rapporteur de 15 thèses sur l'autogestion, que j'ai fait adopter à l'unanimité, et j'étais au Parti socialiste le responsable des études et du programme, et sur ce plan-là, beaucoup des idées de la planification démocratique, de la manière de réaliser les nationalisations, de la démocratisation de la gestion des entreprises, beaucoup de ces idées ont été indiscutablement adoptées. Non pas par mon mérite, mais parce que c'était dans le courant de l'époque. Mais j'avais l'impression tout de même de jouer un rôle dans cette évolution. Comment l'ancien mendésiste que vous étiez pouvait-il être accepté par, je ne dirais pas la camarilla mitterrandiste, mais disons le groupement de mitterrandistes qui avait décidé de prendre le pouvoir au sein du Parti socialiste et qui l'avait pris, ce qu'on fait? Il y a eu effectivement une lutte pour le pouvoir et qui s'est cristallisée autour du congrès de 1979 à Metz, où il y a une conjonction des rocardiens, et des moroïstes et d'une partie de l'ancienne SFIO qui voulait bien Mitterrand comme chef, mais qui trouvait qu'il poussait par trop ses hommes et qui voulait être respecté en quelque sorte. C'est un des enjeux, c'est pas le principal enjeu du congrès de Metz, mais ça a joué. Ceci dit, nous avons donc un parti qui définit, qui avant de venir au pouvoir et qui en venant au pouvoir, a un programme qui donne l'idée la plus concrète, la plus précise de ce que j'ai appelé hier la troisième voie. Parce qu'il ne s'agit pas de socialiser l'ensemble des moyens de production et d'échange, mais de conquérir des pôles de domination économique. Il ne s'agit pas de faire une planification centralisée, rigide à la soviétique, mais de faire une planification démocratique et souple. Il s'agit de démocratiser d'une manière aussi réaliste que possible la gestion des entreprises. Bref, on a l'impression seulement, d'être sur une voie de socialisme démocratique. Oui, mais entre le moment où ces idées sont élaborées, c'est-à-dire au cœur des années 60 au sein du PSU, dont vous êtes le leader à l'époque, Gilles Martinet, et le moment où elles sont adoptées par le Parti Socialiste au milieu des années 70, il y a quelque chose qui est intervenu, c'est le changement de contexte économique de conjoncture et c'est la crise économique. Absolument. Alors c'est le véritable enjeu du congrès de Metz dont je parlais il y a un instant. Il y a deux courants du parti, le Rocardien et le Moraïs, qui disent « nous pouvons plus avoir le même programme ». Pourquoi ? Parce qu'à partir de 75, notre programme est de 72, à partir de 75, il y a un retournement de conjoncture qui est marqué par le ralentissement de la croissance mondiale. Alors là, nous nous opposons à Mitterrand qui, lui, raisonne d'un point de vue stratégique. Il dit, vous pouvez mettre un programme beaucoup mieux adapté, mais vous allez créer une cassure définitive avec le Parti communiste. Et donc, à quoi servira votre programme si nous ne gagnons pas ? Donc, c'est l'irréalisme mitterrandien contre la lucidité de Gilles Martinet à cette époque-là ? Non, pas de Gilles Martinet, d'un groupe important au sein du Parti Socialiste, qui compte Savary, Mauroy et bien d'autres. Non, nous avons raison sur le plan économique, il a raison sur le plan stratégique. N'est-ce pas ? C'est ça, il a raison sur le plan stratégique. Nous n'aurions pas gagné si nous n'avions pas maintenu la position, le programme, tout le programme, rien que le programme, face à des communistes qui voulaient aller plus loin dans le programme. Cela ne correspondait pas à l'attente du pays. Et à partir du moment où les socialistes se montraient fidèles au programme, les communistes étaient prisonniers de l'Alliance. C'est-à-dire que le mentir vrai mitterrandien valait mieux à l'époque que le parler vrai. Il a permis de... Probablement. Et donc ce qui comptait, c'était de prendre le pouvoir. Et d'ailleurs, lorsque François Mitterrand est disparu, vous avez écrit un article dans Le Monde, un article très dur sur le mitterrandisme, sur la façon dont il a géré la France une fois qu'il a été au pouvoir. Et vous avez écrit un article très dur, mais en expliquant très bien que vous-même, vous n'étiez pas dupe de la personnalité de François Mitterrand, et que d'une certaine façon, toute cette gauche, cette deuxième gauche, s'est donnée, bon gré mal gré, au mitterrandisme, parce qu'elle savait que c'était la seule façon qu'elle pouvait avoir de conquérir le pouvoir. Oui, dans cet article, j'ai écrit qu'il était le seul qui pouvait nous faire gagner. Pourtant, en 1965, vous avez eu des réticences face à sa candidature, face au général de Gaulle, avec Pierre Stibbe qui écrit dans Le Monde à l'époque que tout le monde sait très bien le passé vichiste de François Mitterrand, que oui, tout le monde connaît très bien les positions de François Mitterrand vis-à-vis de la colonisation et de la décolonisation. Vous faites partie de ceux qui résistent. Il faut quand même être clair sur ce point. Ça nous gênait que, contre De Gaulle, on présente quelqu'un qui avait eu la Francisque. Mais par ailleurs, et je l'écris dans cet article dont vous parlez, je ne faisais pas le procès de l'attitude d'un jeune homme de droite qui a finalement... a suivi le chemin de beaucoup de Français en prenant des risques que beaucoup de Français n'ont pas pris. Donc, je ne fais pas le procès de Mitterrand sous l'occupation. Mais en 65, c'est vrai qu'on aurait aimé présenter un résistant sans tache, si j'ose dire, face à De Gaulle, car c'était... Et un militant anticolonial aussi, alors qu'il ne l'était pas, lui. Alors qu'il ne l'était pas et qu'il avait joué un rôle dans le maintien d'une forme de néocolonialisme en Afrique noire et dans le début de la guerre d'Algérie. Justement, clarifions cette question des rapports que vous pouvez avoir, vous, le leader du PSU, avec quelqu'un comme François Mitterrand. Il sait que vous ne l'aimez pas, il sait que vous ne l'avez pas soutenu justement en 1965. Vous rentrez au Parti Socialiste et malgré tout, il ne vous en tient pas rigueur à ce moment-là pendant toute cette période de conquête du pouvoir jusqu'en 81. Non seulement il ne m'en tient pas rigueur parce que, bon, il conserve naturellement, il a une grande mémoire. Mais c'est un homme réaliste et il a constitué son équipe avec beaucoup de gens qui ont été contre lui. Avec beaucoup de gens qui ont été à un moment donné contre lui. Là aussi, c'est la réflexion stratégique qui prime. C'est la réflexion stratégique et il propose un contrat. Il propose un contrat qu'il m'a proposé, d'ailleurs, quand je suis devenu secrétaire national du Parti Socialiste. Il m'a dit, en gros, je pense que vous en avez assez des petites organisations. D'ailleurs, vous l'avez démontré en quittant le PSU et en venant au Parti Socialiste. Je pense que vous pouvez jouer un rôle, être parmi les 4 ou 5 dirigeants importants du parti. Mais il voulait savoir un certain nombre de choses. Alors, il voulait savoir si j'avais l'intention de créer mon propre courant, car j'avais eu 17% des voix au congrès de 1975 sur un texte qui a fusionné avec le texte Mitterrand, mais qui était différent au départ. Je lui ai dit que non, que la bataille des tendances m'intéressait pas, c'était un bon point. Il m'a dit qu'il avait appris que je voulais créer une revue, groupant des gens venant de différents horizons du Parti Socialiste. Vous la créerez ? Je la crée, c'est faire, et je lui dis, il m'aidera à la créer, mais à partir de ce moment-là, une revue, on sait ce que c'est, ça peut devenir une tendance. Donc, il ne veut pas venir à moi sans armure. Donc, c'est quelqu'un dont je dois tenir compte en fonction de son influence, comme il le fait pour tout le monde, mais ce ne sera pas un des miens. Et il a proposé, par exemple, le même contrat à Bérégovoy, avec qui j'étais personnellement assez lié. Il a proposé le même contrat alors que Bérégovoy avait été successivement savariste et mauroïste. Bérégovoy a marché, ce qui fait que, à la fin, il s'est trouvé tout seul. Sans tendance, sans courant, sans amis dans le parti. Là encore, un scénario de prise de pouvoir bien mené. Oui, mais où vous êtes un de ces hommes, et alors là, vous avez droit à non seulement une carrière, mais à une protection permanente, car il avait le comportement d'un parrain, c'est-à-dire qu'il était fidèle à ses fidèles. Et donc, si on n'est pas de ce bord-là, il ne faut pas faire de vagues contre lui, c'est tout. Oui, où on peut s'opposer à lui. Et regardez par exemple l'histoire de ses rapports avec Rocard, n'est-ce pas? Dès qu'il arrive au parti, il sent très bien qu'il va être un jour son rival. Quand en 78, Rocard se déclare à la suite d'un échec électoral, et il dit « je l'avais bien prévu ». Et il fait tout pour organiser la défaite de Rocard. Et Rocard ne pourra pas être candidat en 81. Mais en 88, il pense d'une part que pour la gagner législative, Rocard lui est utile, et puis qu'il va l'user probablement en 2 ans et qu'on ne parlera plus de Rocard. Donc il a un choix, il tient compte de ce que représente Rocard, il peut en faire un premier ministre, mais avec l'idée que ce n'est pas un fidèle et que le plus vite possible, il faudra remettre aux affaires quelqu'un qui soit de son camp. Alors, 1979-1981, vous êtes entré donc au moment de 72 au Parti Socialiste. Est-ce que cette période n'a pas été un peu longue d'attente du pouvoir? Parce que tout compte fait, cet organe créé en 72 était fait pour prendre le pouvoir le plus rapidement possible, et c'était donc 74. Et oui. Vous attendez une législature supplémentaire. Oui, alors 74, c'est un échec de peu, 1% de différence entre Giscard d'Estaing et Mitterrand, mais c'est en même temps le début d'un formidable espoir, car on est à 1%. Alors, la gauche peut gagner la prochaine fois. Donc, il y a une vague d'adhésion. C'est pas du tout une défaite démoralisante, c'est au contraire une défaite euphorisante. Et c'est à ce moment-là où Rocard décide d'adhérer au Parti Socialiste, parce qu'il est clair que si on a échoué 1%, la prochaine fois, on peut gagner. Donc c'est une défaite. Mais il y a une longue période et avec une grosse déception, c'est la rupture momentanée avec le Parti Socialiste-Communiste en 77, et puis la défaite qui est la suite logique législative de 78. Alors au sein de ce Parti Socialiste, vous l'ancien communiste, est-ce que vous jouez encore celui, le conciliateur, celui qui pense qu'il faut toujours accepter les conditions du Parti Communiste? Pas du tout. Moi je... au contraire, au congrès de Metz dont nous reparlons, mon discours est pour dire qu'il ne faut surtout pas céder à la démagogie du Parti communiste. Et je dis, si on en suit certains de nos camarades, alors on est plus à gauche si on demande un SMIG à 7000 francs au lieu de demander un SMIG à 6000 francs sans tenir compte des conditions économiques. Oui, mais l'époque n'est pas au réalisme politique à gauche, c'est-à-dire c'est l'époque de l'utopie, c'est l'époque justement où il faut faire croire qu'on peut maintenir la sidérurgie le plus longtemps possible. Oui, mais justement, dans le discours de Metz, je parle longuement de la sidérurgie. Je venais d'avoir un débat avec un futur ministre communiste qui était Anicet Le Pors, un débat en Lorraine auprès de sidérurgistes. Et moi, je disais, si tout va bien, nous pourrons peut-être éviter des licenciements importants dans la sidérurgie. Et Le Pors disait, qu'est-ce que ça veut dire? Nous pouvons recruter 40 000 personnes du jour au lendemain. À ce moment-là, j'étais très contre la démagogie du Parti communiste. Et je l'exprimais dans des réunions publiques et dans des congrès. Alors le 10 mai 1981 arrive, c'est la victoire. Quel sentiment éprouvez-vous à ce moment précis du 10 mai 81? Est-ce que c'est un sentiment de satisfaction pour enfin... De joie, de grande joie, parce que oui, on a gagné. Oui, j'ai été place la Bastille, on a gagné. C'était pour moi une grande joie, oui. Ça fait partie des moments de votre vie, comme nous l'avons raconté dans la première émission. Vous assistez au 6 février 34, vous assistez à la libération de Paris, et là vous êtes sur la place de la Bastille. Oui, absolument. Cette journée était une grande journée pour moi. Alors, évidemment, le problème, c'est la confrontation du Parti Socialiste, de son programme, élaboré, on l'a dit, dans les années 60, au moment de la pleine expansion de la France, avec la réalité quotidienne du pouvoir. À partir de quel moment sentez-vous, vous êtes nommé très rapidement ambassadeur de France en Italie, sentez-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner, qu'il va falloir revenir sur ces belles idées concoctées au plein cœur des années 60? Ben, le fait majeur, c'est que la relance sur laquelle comptait la relance économique, sur laquelle comptait le Parti Socialiste, en fonction d'une analyse de la conjoncture, qui n'était pas d'ailleurs uniquement la sienne, cette relance se casse la figure. Parce qu'on a fait, trop de choses en même temps. Et on charge trop la barque. C'est un peu le phénomène de 36 qui recommence. On tient les promesses, sauf là où elles ne sont pas tenables, c'est-à-dire on ne fait pas ni la planification ni l'autogestion, mais on fait les nationalisations, on fait la décentralisation. Donc les promesses sont tenues, mais on n'a pas tenu compte d'une conjoncture économique qui se révèle très vite différente de ce qu'on pensait. Et on se trouve très vite, c'est-à-dire à la fin de l'année 82, devant la nécessité d'un tournant. Et donc d'une révision déchirante, comme on dit. D'une révision déchirante, et toute l'habileté de Mitterrand, son ambiguïté fondamentale, consiste à masquer l'affaire. On parlera d'une pause, on parlera d'un intermède de rigueur inévitable. Pause dans les réformes. Mais les bases sont... solides et sont établis pour longtemps. Le socle dur, comme disait Maurois. Alors, il a fallu du courage pour faire ce tournant, parce que n'oublions pas qu'on a gelé à la fois les prix et les salaires, et la situation a été indiscutablement redressée. Mais alors, ont été pratiquement abandonnées, sans qu'on le dise, les grandes ambitions de 81. Et alors, qui joue dans ce jeu de la rigueur, qui joue quel rôle? C'est-à-dire, est-ce que cette deuxième gauche, donc dont vous étiez l'initiateur dans les années 60, joue un rôle? Est-ce que ces chrétiens comme Jacques Delors sont obligés de venir sur le devant de la scène pour remplacer d'autres personnes qui étaient prenez plus... les nationalisations, Delors, Rocard et quelques autres, dont Badinter, freinent. Ils veulent pas des nationalisations à 100%. Ils veulent des nationalisations à 51%, prendre 51% du capital seulement. Mais en fait, ils veulent moins de nationalisations. Mais ils sont entraînés par le courant. Ils sont minoritaires et ils suivent. Ils suivent le train. Là, il y a plus de deuxième gauche en réalité. La deuxième gauche est un phénomène à éclipse. Il y a des moments où elle existe, et il y a des moments où elle disparaît pratiquement, emportée dans le tourbillon, parce que l'élément fondamental, c'est la victoire et c'est le pouvoir. Et donc, cette deuxième gauche disparaît, s'efface, mais au moment de la rigueur, tout compte fait, ce sont les thèses de la deuxième gauche qui l'emportent quand on dit il faut céder au réalisme économique et non pas se battre sur des idéaux trop anciens, par exemple. En un sens, c'est vrai, mais d'un autre côté, on se trouve un peu à court, parce que la politique que l'on va faire n'est pas exactement celle qu'aurait fait la droite. Mais c'est tout de même une politique qui tient compte de l'ouverture sur les marchés mondiaux, qui l'accepte, quand même, la libéralisation, ça vient un peu plus tard, mais la libéralisation complète des flux financiers intervient sous des gouvernements de gauche. Donc, on s'adapte à un courant général de l'époque, qui est un courant de néolibéralisme. Alors, à l'intérieur de cette situation, de cette conjoncture, bien sûr, on fait des choses, comme par exemple la contribution sociale généralisée, comme le RMI, des choses de ce genre, qui ont un impact sur le plan social. Mais on navigue, disons, au milieu d'un courant contre lequel on ne peut pas résister. Avez-vous cru, vous, à la possibilité d'une réélection de François Mitterrand en 1988 très tôt, ou est-ce que ça vous a surpris, Gilles Martinet? Alors d'abord, il y a eu le problème de la candidature. Comme vous savez, il y avait des gens, c'était Michel Rocard, et là, moi, je n'étais pas du tout de son avis, qui pensait que Mitterrand ne pourrait pas se représenter et que lui, cette fois-ci, il avait raté 81, mais il ne raterait pas 88. Il en était absolument persuadé. Sur sa capacité à être élu, plus on approchait de l'échéance, et plus il apparaissait à travers les sondages que les chances de Mitterrand étaient fortes. Pourtant, vous avez une grande sévérité pour ce régime mitterrandien s'est donc déroulé sur les 14 années entre 1981 et 1995. Vous parlez d'ambiguïté, évidemment, qui est propre au personnage de François Mitterrand lui-même, mais vous parlez de système féodal. Vous parlez également d'une gauche faisandée qui navigue dans les allées du pouvoir. Surtout la deuxième septennat. Je crois que là, alors, il y a l'usure du pouvoir, les facilités du pouvoir, les complaisances du pouvoir qui ont joué un rôle. Parce que, tout de même, la gauche, dans ses 10 années de pouvoir, a créé un appareil de gouvernement qu'elle n'avait pas avant. Elle est capable de tenir tous les ministères, de peupler les cabinets, de procéder à des nominations à la tête de grandes entreprises. Elle a un personnel. Il y a maintenant l'alternance, c'est une réalité. Mais il est évident que la gauche a perdu en cours de route tous ses repères idéologiques. où la plupart de ses repères idéologiques. Et elle se trouve dans cette situation un peu fausse, qui est que elle ne les a pas remplacés, donc elle les a abandonnés. Elle ne parle plus de socialisation des moyens de production et d'échange, elle ne parle plus de planification, etc. Mais en même temps, comme elle n'a pas d'autres repères, elle les a conservés au fond de la tête, d'une certaine manière, ce qui fait que lorsqu'on parle de privatisation, elle se crispe, elle réagit par rapport, parce que les anciennes idées ne sont pas mortes. Elle n'a pas fait son aggiornamento. Voilà le problème de la gauche. Elle a fait une énorme expérience qui a des côtés positifs et des côtés négatifs, mais elle n'en a pas tiré véritablement les leçons. Mais est-ce que c'est simplement, ça n'est pas simplement parce que le fait qu'elle pratique le pouvoir lui fait qu'elle n'a pas le temps de réfléchir et de penser, comme dans ces années 60 que vous aimiez tant, Gilles Martinet, pendant lesquelles le PSU réfléchit à la façon de conquérir le pouvoir, à la façon de mettre en place un socialisme. Mais elle a eu quand même une période de défaite de 4 ans, 93-97. Et ne les a pas mises à profit. Elle a tenté de renouer avec le peuple de gauche sur la base d'un discours radical qui ne reposait pas sur une véritable analyse de la situation. Que signifie pour vous, Gilles Martinet, justement, cette expression de peuple de gauche ? Eh bien, elle ne recouvre pas tout l'électorat de gauche, une partie de l'électorat de gauche, et je dirais que pour l'essentiel, non pas en totalité, mais pour l'essentiel, elle est dans le secteur public. C'est-à-dire dans un secteur très important en France où on a une certaine vision du travail, de la vie, de travail, des garanties, des protections, et l'on a surtout une vision du progrès social, avec on travaille de moins, on a davantage de congés, qui correspond au fond à toute la période des Trente Glorieuses. Parce qu'on a vécu en France en respirant l'oxygène de la richesse en formation rapide. Et cet état d'esprit qui répond aussi à une vieille aspiration qui date du 19e siècle, la victoire du rationalisme, la victoire du progrès, etc., c'est ça qui est le cœur, à mon avis, du peuple de gauche. Alors vous, Gilles Martinet, qui voulait être un observateur lucide, justement, de l'évolution du siècle, vous y croyez encore à l'existence de ce peuple de gauche ? Non, je crois à sa réalité physique. On appelle à lui presque de façon religieuse. Lorsqu'il y a un problème à gauche, on dit le peuple de gauche. Oui. Et c'est presque une invocation religieuse. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont en commun un certain nombre de valeurs, et quelles que soient les évolutions de la conjoncture économique, ce sont des choses qui demeurent. Les mentalités évoluent moins vite que les réalités économiques. Ce quatrième volet de la série À voix nue, consacré par Emmanuel Laurentin à Gilles Martinet, a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 12 février 1998. Voici le cinquième et dernier volet de la série d'À voix nue, consacré à Gilles Martinet, au micro d'Emmanuel Laurentin. Gilles Martinet, hier, vous évoquiez, l'ancien fondateur du PSU, la façon dont la gauche ne s'était peut-être pas perdue en pratiquant le pouvoir, mais avait été obligée, disons, de changer son fusil d'épaule, de changer de braquet, de se conformer à une réalité qui était différente de ses espoirs de gouvernement. Alors, vous êtes nommé ambassadeur en Italie pendant 3 ans, au tout début de la première législature de François Mitterrand. Est-ce que vous prenez cela comme disons une sorte de remerciement, ou est-ce que vous prenez cela comme une façon de montrer que vous êtes d'abord quelqu'un, vous l'avez dit dans une des émissions qui a précédé, qui pense comme tous les intellectuels que la nécessité c'est de sauter les frontières et d'aller voir ailleurs aussi? Non, les choses se passent de façon très simple. Au mois de juillet 81, Pierre Mauroy, alors Premier ministre, me demande de venir le voir. Et il me dit, je voulais que tu sois dans le gouvernement, ça n'a pas été possible pour toute une série de raisons. Qu'est-ce que tu penserais d'être nommé ambassadeur à Rome? J'en ai parlé à François Mitterrand, il serait d'accord. Et bon, ben, je tenais à servir. J'étais au membre du Parlement européen, mais c'était vraiment être un peu à l'extérieur de l'expérience. Comme ambassadeur, j'y participais, et donc j'ai tout de suite accepté. Alors naturellement, ce n'est pas un choix au hasard. J'ai une longue expérience de l'Italie. Mon beau-père était le secrétaire général des syndicats italiens en exil. Il a été fusillé par les Allemands en 1944. Il était un des héros de la résistance italienne. Et moi-même, tous les ans, j'allais en Italie. J'ai beaucoup d'amis dans le monde politique, dans le monde journalistique. J'étais ami de Moravia, de Chacha, de beaucoup d'écrivains. Je tutoyais le président de la République et le président du Conseil, ce qui facilite les choses pour un ambassadeur. Donc, ma nomination n'était pas due au hasard. Alors, ça a été pour moi une expérience absolument passionnante. J'ai appris encore à mieux connaître l'Italie, mais aussi à mieux connaître la France, ou plus exactement à mieux connaître les Français, parce que je ne nous imaginais pas aussi orgueilleux, aussi insolents, aussi infatués de nous-mêmes, et jusque dans les moindres détails. Par exemple, quand une négociation s'ouvrait sur un problème commercial ou économique, venaient de Paris des responsables qui étaient tous issus des grandes écoles et qui commençaient dans la réunion par faire un exposé qui donnait un peu la philosophie de l'accord que nous étions en train de négocier. Je crois qu'aucun étranger n'aurait été capable de faire un exposé aussi clair, aussi bien foutu que ces exposés-là. Mais ils ne se rendaient pas compte qui créaient un sentiment d'irritation chez leurs interlocuteurs, qui disaient « voilà encore les Français, et ils veulent nous donner des leçons, et ils nous prennent pour des enfants, etc. » Et ça commençait mal. Je prends ce petit exemple parce qu'il est à la fois le plus significatif et moins évident. Mais il y a effectivement, à cette époque, pour les Français, pour la diplomatie française, le sérieux c'était l'Allemagne et les autres devaient suivre. Et c'était pas facile d'expliquer qu'on devait suivre. Pourtant, l'Italie fait partie de ces pays qui ont voulu l'Europe. Absolument. Alors, il y avait une rhétorique européenne très forte et un sentiment européen aussi très fort en Italie, mais en même temps, il y avait une certaine soumission à la diplomatie américaine. Pendant 3 ans, l'axe de ma politique pour lequel j'avais motivé tout le personnel de l'ambassade, c'était soutenir le parti européen contre le parti américain. Mais en même temps, j'ai changé la politique, au moins pour un temps, la politique culturelle, parce que, comme dans d'autres pays, l'objectif de cette politique, c'était de présenter la vitrine culturelle de la France. Et j'ai beaucoup fait pour placer ces rapports sur le plan de la réciprocité et du dialogue. Et je dois dire que j'ai été beaucoup aidé dans ce domaine par Jacques Lang, parce que il a fait venir à Paris des personnalités italiennes. Giorgio Strehler au Théâtre de l'Europe. Oui, notamment. Et donc, nous avons donné une impression que nous n'étions plus la sœur aînée qui traitait la petite sœur avec un peu de condescendance. C'était une chose particulièrement importante. Peut-être pour la première fois de votre vie, vous partez longuement hors de France, parce que tout compte fait, vous avez fait beaucoup de séjours en tant que journaliste dans les années 50 pour aller voir dans les pays arabes des grands leaders internationaux. Mais là, vous partez longuement hors de France. Qu'est-ce que ça change sur votre vision de la France, justement? Bien, Gilles Martinet. Effectivement, d'abord, on voit la France avec les yeux de la presse du pays où l'on est, et avec c'est-à-dire que qu'on se rend compte que il y a toute une rhétorique du rang qui était celle de De Gaulle et celle de Mitterrand, qui ne correspond pas tout à fait à la réalité. Vous y avez adhéré, vous, à cette idée du rang de la France, en tant qu'ambassadeur peut-être, mais disons, lorsque vous étiez militant politique sous De Gaulle, ce discours du rang de la France, et puis ensuite sous Mitterrand? Non, j'ai participé, comme tous les Français, je crois, je m'en apercevais pas sur le moment, au messianisme français, qui alors, chez moi et chez mes camarades, prenait un moment l'idée que nous étions les seuls au monde qui pouvions construire un socialisme démocratique, parce que nous étions la France, la Révolution française, etc. Les discours sur le monde ne serait pas le monde s'il n'y avait pas la France me faisaient rigoler plutôt. Ça veut dire que, selon vous, vous parliez dans l'émission d'hier de l'aggiornamento nécessaire des idées socialistes dans les années 80, il aurait fallu faire l'aggiornamento justement de l'idée que la France se fait d'elle-même dans les années 60 ou 70. Alors c'est assez difficile parce que on peut sourire devant des discours hyperboliques sur le rôle de la France, etc. Mais un pays doit être fier de lui-même. Les choses ne sont pas simples. À la fois, je peux critiquer une certaine rhétorique du rang et en même temps considérer qu'il est indispensable de donner un certain orgueil aux gens en fonction du passé, en fonction des possibilités d'avenir, parce que la France peut en Europe jouer effectivement un grand rôle. Mais j'ai constaté qu'elle aurait obtenu dans beaucoup de cas de meilleurs résultats si elle n'avait pas voulu montrer trop évidemment, trop clairement que c'était elle qui avait le leadership, que c'était à elle que revenait l'initiative. Les Allemands, de ce point de vue, qui sont dans une autre situation, ils avaient à faire oublier un sacré passé, etc., ils étaient divisés, mais on manœuvrait plus habilement, ils ont flatté les Français en leur laissant entendre que ils allaient avoir effectivement le leadership européen, ils n'en pensaient pas moins, et ils ne jouaient pas le même rôle, ils voulaient pas imposer la langue allemande comme nous voulons imposer la langue française, etc., dans les réunions internationales, et ils se sont montrés d'une certaine manière plus habiles. Mais le caractère français est ce qu'il est, et on ne peut pas faire de politique sans en tenir compte. Alors, est-ce que le hiatus, justement, sur cette question de la France en Europe et dans le monde, ne vient pas justement du décalage que les Français finissent par percevoir entre l'idée et le rang de la France revendiquée et la réalité quotidienne de la place de la France dans le monde? Oui, il faut tenir compte du fait qu'il y a en Europe deux vieilles nations qui se trouvent, l'une en la méritant pleinement, l'autre en la méritant à moitié, dans le camp des vainqueurs de la dernière guerre. C'est l'Angleterre et la France. Donc ce sont deux nations qui n'ont pas eu de rupture, sauf, bref, pour la France, la période vichysoise, avec un passé glorieux. Et au fond, ce sont deux pays qui sont réticents à l'idée de perdre la souveraineté nationale au profit de l'Europe. Seulement, la différence entre l'Angleterre et la France vient de ce que l'Angleterre a exprimé cette idée-là constamment et ouvertement. Alors que les Français ont cru qu'avec l'aide de l'Allemagne, ils exerceraient un leadership sur l'Europe. Et c'est sur cette idée-là qu'on a vécu jusqu'en 90, jusqu'à la chute du mur de Berlin, qui alors nous révèle une Europe différente, hein, des rapports de force différents, et la France n'est plus l'égale de l'Allemagne. Mais de la même façon que les Français ne seraient pas capables, comme les Américains le font, de se dire « proud to be American » pour les Américains, fier d'être français, du moins si on accepte une certaine partie de l'échiquier politique situé à l'extrême droite, on est assez fier d'être français, mais on ne le dit pas. On n'ose pas l'affirmer aussi clairement. Ah si, regardez, même chez Jospin, dans ses discours et notamment son discours d'investiture, il y a ce côté quand même de fier d'être français, si. Et vous le retrouvez chez De Gaulle, bien entendu chez De Gaulle, mais chez tous ses successeurs. Il y a le côté fier d'être français. Ce qu'il y a, c'est qu'un doute s'est introduit. Un doute s'est introduit dans l'esprit des Français qui commencent à prendre la mesure de ce qu'est la France aujourd'hui. Mais d'une certaine façon, le giscardisme des années 70 avait procédé au début de l'aggiornamento en considérant que la France n'était plus une grande puissance, mais une puissance moyenne. Exactement. Et c'est Mitterrand qui a, disons, par imitation peut-être du général de Gaulle, ou parce que c'est plutôt sa formation intellectuelle, qui a remis la France grande puissance. La nature même de notre nation nous y oblige, puisque nous sommes une nation non pas multinationale, mais multiethnique. Donc, il faut qu'il y ait une idée qui nous soulève. Sinon, nous sommes un conglomérat de Méditerranéens, de Celtes, de Nordistes, etc. Donc, il y a un besoin de maintenir un lien, et ce lien passe effectivement par une certaine fierté, un certain orgueil, c'est indiscutable. Alors, est-ce que vous pensez que la politique, par exemple, de François Mitterrand, on en a beaucoup discuté à la toute fin de son dernier septennat, au moment justement où interviennent les changements à l'Est, n'a pas su s'adapter justement à cette nouvelle donne géopolitique européenne, Gilles Martinet? Je crois que c'était très difficile de s'y adapter. Moi, j'étais en gros d'accord, moins les cocoricos qui m'exaspéraient un peu, j'étais tout à fait d'accord avec la politique que j'appellerais gaulo-mitrandienne. Je pensais que c'était la seule que pouvait faire la France. Je souhaitais que on fasse un peu plus attention aux Italiens, aux Espagnols. Mais ceci dit, sur l'axe général de cette politique, j'étais d'accord. L'idée de l'indépendance de l'Europe à l'égard des États-Unis, tous ces thèmes qui marquent une continuité, j'étais d'accord. Là où se pose un problème, c'est 90, naturellement. C'est la chute du mur et c'est la chute de l'Empire soviétique. Parce que cette politique reposait sur l'équilibre Union soviétique-États-Unis. À partir du moment où il n'y a plus l'Union soviétique, il n'y a plus d'alliance de revers possible. Et quant à la nouvelle Russie, elle regarde plus du côté de l'Amérique et de l'Allemagne que du côté de la France. Et puis, l'Allemagne devient plus puissante. Elle est placée économiquement pour jouer un jeu dans l'Est européen, dans les anciennes démocraties populaires. Et donc, nous ne sommes plus tout à fait égaux. Nous ne l'étions pas économiquement, mais nous l'étions politiquement égaux. Nous sommes devant une situation nouvelle et qui a été effectivement difficilement saisie par Mitterrand. L'affaire yougoslave est tout à fait typique. Nous avons soutenu de fait les Serbes parce que on voyait que la Croatie risquait de tomber dans la zone d'influence germanique. On a retrouvé les vieilles méfiances et les vieilles oppositions. Alors il faut les surmonter parce que nous n'avons pas de solution de rechange. L'Allemagne peut avoir une solution de rechange si l'Europe ne se faisait pas, parce qu'elle sera l'interlocuteur privilégié des Américains et des Russes. Et nous devons jouer à fond le jeu européen, ce qui crée une situation tout à fait nouvelle et pas facile à saisir. Mais c'est aussi 1990, Gilles Martinet, la période de la renaissance de peur que l'on n'imaginait pas encore possible à la fin du XXe siècle. Ce sont tous ces titres que l'on voit fleurir à partir de 1990. Faut-il avoir peur de l'Allemagne réunifiée dans tous les journaux, y compris dans les journaux comme le Nouvel Observateur? Oui, il y a naturellement la peur de l'hégémonie allemande, comme vous venez de le dire. Mais il y a aussi un sentiment très d'incertitude quant à notre propre identité. Et c'est là-dessus, à mon avis, que joue en partie le Front National. Parce que nous ne sommes plus souverains. Nous le sentons, nous ne pouvons plus faire n'importe quoi sur le plan économique. Nous dépendons du marché mondial d'une façon très, très forte. Et en même temps, l'Europe n'est qu'une réalité encore très partielle. Nous ne sommes pas pleinement européens. Donc nous sommes dans un entre-deux. Nous vivons dans un entre-deux, ni complètement souverain, ni complètement européen. Et alors, c'est un doute sur ce que l'on est. C'est un doute. Alors, ajoutez au problème de l'immigration, vous avez là les ingrédients qui expliquent que nous sommes le seul pays d'Europe, peut-être en dehors de l'Autriche, où il y a une forte extrême droite. Et puis, avec aussi cette idée que la chute du mur de Berlin fait que l'ennemi visible, l'ennemi revendiqué, n'existe plus aussi facilement et que le front de ces ennemis est un front multiple, qu'on ne sait pas où se trouve l'ennemi et s'il y en a même encore un. Oui, alors... C'est la mondialisation, par exemple. Évidemment, l'ennemi existe. Il faut toujours avoir un ennemi, même lorsqu'on est son allié. Donc l'ennemi, c'est la puissance américaine et c'est la montée en puissance de l'Asie de l'Est pour l'Europe. Donc il faut que l'Europe se soude. On ne fait l'unité d'un pays que contre quelqu'un. C'est l'histoire des cantons suisses qui se sont unis contre leurs voisins, alors même qu'ils se déchiraient sur les questions religieuses. Donc c'est parce que nous avons des menaces fortes à l'extérieur, y compris des menaces de conflit, que nous avons besoin de faire l'unité européenne. Mais alors, comment créer cette volonté de vivre ensemble européenne qui répondrait à la volonté de vivre ensemble développée par Renan à propos de la France au 19e siècle ? Alors c'est là où il faut trouver le juste équilibre. Parce que, curieusement, à la fois, nous avons un marché commun européen, nous avons au niveau des entreprises, maintenant elles résonnent sur le plan européen, et les peuples sont assez séparés. C'est Glucksmann qui, dans un récent livre, a expliqué que nous connaissions mieux l'Allemagne quand nous étions ennemis, que nous ne la connaissons aujourd'hui, que nous sommes en principe amis, alliés, qu'il n'y a pas de problème. Je suis très frappé de voir, et mon expérience italienne de ce point de vue était très intéressante, en lisant la presse, ce sont des presses différentes. Nous avons une uniformité, nous avons les mêmes supermarchés, nous avons les mêmes types de consommation, nous sommes tous devant nos télévisions, mais en même temps, le facteur national reste très puissant. Mais vous disiez dans la première émission, dans notre première rencontre, que en fait, vous aviez noté, lorsque vous étiez au Parti communiste avant-guerre, que c'était les intellectuels qui étaient internationalistes et que les ouvriers du Parti communiste étaient nationalistes et qu'ils aimaient défendre l'idée de nation. Est-ce que ça n'est pas là aussi le problème et le hiatus entre, disons, des classes dirigeantes qui sont naturellement internationalistes et européennes, donc aujourd'hui, et des gens qui subissent le processus de mondialisation, qui sont les classes les plus défavorisées de la société française et qui, elles, défendent un nationalisme excessif? Oui, c'est vrai que il y a chez les salariés et notamment dans la classe ouvrière un sentiment d'abord de crainte de la concurrence. Ce sont les gens les plus sensibles aux délocalisations d'entreprises, les plus sensibles à la concurrence extérieure, et ce sont les gens qui peuvent le moins bouger, le moins s'adapter. Donc c'est chez eux qu'il y a la peur de l'ouverture. Et comment la gauche peut-elle répondre justement à cette peur de l'ouverture vis-à-vis donc des gens qui théoriquement sont censés voter pour elle, Gilles Martinet? C'est la grande question qui n'est pas posée seulement à la gauche, à savoir, est-ce que dans ce monde d'ouverture nous pourrons trouver une situation de croissance, d'une part, mais surtout une situation de redistribution de l'emploi qui permette de surmonter le chômage. Pour l'instant, le drame, c'est qu'on ne voit pas d'issue proche à cette réduction du chômage. Alors, ce n'est pas un hasard si fleurissent les idées évoquées dans le fameux livre de Viviane Forrester, l'horreur économique, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut continuer à assurer un avenir, donner un emploi, si on ne partage pas cet emploi, si on ne conçoit pas une société totalement différente de celle que nous avons connue jusqu'à maintenant. Pour l'instant, c'est le domaine de l'utopie, mais le grand problème qui est posé, le grand enjeu, et pas seulement pour la gauche, pour toute la classe politique française, pour toutes les couches dirigeantes françaises, c'est est-il possible, dans une France ouverte aussi largement sur l'économie mondiale, est-il possible de donner un emploi pour tous? Mais là, on revoit votre lucidité, Gilles Martinet, lorsque vous citez le titre même de l'ouvrage de Viviane Forrester, l'horreur économique, vous avez un petit sourire, c'est-à-dire que vous n'y croyez pas vraiment à ces thèses qui sont un peu manichéennes. Je constate que sa conclusion, c'est une interrogation. Est-il possible de concevoir une société où l'emploi ne serait pas fondamental? Mais elle ne dit rien sinon que d'écrire une horreur qui consiste à ce qu'il y ait de plus en plus de gens sans emploi, sans travail, écartés, etc. Et d'où le succès du livre. Mais c'est une description. Alors, il y a naturellement des gens qui ont écrit des ouvrages décrivant une société, mais où, finalement, on gagnerait moins que maintenant. La masse des gens gagnerait moins, où il y aurait une forte solidarité, mais lorsqu'on pose le problème de la réduction de la durée du travail, si vous vous amusez à dire « naturellement, vous gagnerez moins », vous voyez la réaction d'une grande partie des gens. Autrement dit, ce sont des idées qui, pour l'instant, sont à l'état d'ébauche. Mais toute utopie est intéressante, c'est pourquoi je l'ai évoqué. Nous parlions des peurs, mais est-ce qu'il n'y a pas, accompagnant ces peurs, la nostalgie, tout compte fait, d'une époque où les fronts étaient plus simples, plus simplifiés, où il y avait un front gauche-droite en France qui était relativement clair? Et est-ce qu'il n'y a pas, justement, au sein de la gauche aujourd'hui, la volonté de recréer presque artificiellement ces fronts, parce que ça n'est plus vraiment ça la réalité de tous les jours, Gilles Martinet? Moi, en 60 ans de vie politique, j'ai entendu périodiquement annoncer et la fin des idéologies et la fin de la division artificielle entre gauche et droite. Ah, je constate qu'aujourd'hui, à la différence de ce qui se passait il y a 15 ans, la droite se reconnaît comme droite. Elle utilise le mot droite qu'elle évitait à un moment et que les conflits sont entre la gauche et la droite. C'est une caractéristique de toutes les démocraties. Ça n'est pas une particularité française. Et ce n'est pas une particularité française. La particularité française, c'est qu'elle a une gauche très particulière, très spécifique, et une droite très spécifique. Mais cette division-là existe partout. Social-démocratie et démocratie chrétienne en Allemagne, travailliste et conservateur, etc., républicain et démocrate. Vous avez donc, même en Italie, partout, vous avez Espagne. Donc c'est un des facteurs, c'est une des bases des mécanismes démocratiques, et donc je crois que nous aurons toujours cette gauche et cette droite. Quel contenu aura la gauche future? Ça, c'est la grande question. Et nous ne pouvons pas y répondre parce que nous sommes, je crois, dans une situation non pas de désespérance, mais d'inespérance ou de faible espérance. Et dans une situation où l'avenir est difficilement lisible. Et ça, c'est ça la nouveauté. Avant, on croyait avoir une idée de l'avenir. On pouvait penser qu'on se faisait quelques illusions, etc., mais on avait une idée de l'avenir. Et aujourd'hui, on a une faible idée de l'avenir. Alors on peut dire, nous vivons la période de la révolution technologique, de l'informatique, etc. Mais quand on essaye de voir ce que ça signifie concrètement, ça ne va pas encore très loin. Vous évoquez souvent dans vos livres, Gilles Martinet, l'idée qu'il faille, enfin que la particularité française, c'est la tradition émotionnelle de la gauche française, en particulier liée à la Révolution française. Est-ce que ça n'est pas cela qui manque aujourd'hui, c'est un peu d'émotion? Sûrement. Sûrement. Un peu d'émotion et beaucoup d'idéal. Ces deux derniers volets de la série « À voix nue, Gilles Martinet » par Emmanuel Laurentin, réalisation Christine Robert, ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 12 et 13 février 1998. Vous pourrez les réécouter en ligne ou les télécharger durant un an, ainsi que les trois précédents épisodes, sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».